Chapitre 5e, la chasse aux lettres. Quand Fouinard était ému et que sa jugeote se sentait troublée, avant d'agir, il usait d'un remède infaillible pour reconquérir son calme. Il entrait dans un café, s'asseyait et se faisait servir un bock. Rafraîchissement et méditation combinés. Ainsi fit-il, et s'installant chez l'espièce, il demanda un verre de Pilsen. Là, il resta quelques instants immobile, commandant à son cerveau qui bouillonnait. L'accalmie se fit. Il but une gorgée de bière et prit le premier journal qui lui tomba sous la main et se contraignit à lire un article sur les affaires du Maroc. Il n'est pas de meilleur calmant, si bien qu'il n'en était pas arrivé à la fin d'un épisode sur Casablanca que toute son agitation était tombée. « Bon, » fit-il entre ses dents, « me voilà d'équerre. » Il amena le bec de Justine à la hauteur de son nez et dit mentalement à sa canne « Ma petite, il s'agit d'être froid comme marbre et de ne pas s'emballer. Ah, tu en as reçu une secousse, avoue-le. Seulement ne pas faire de bêtises. Voyons un peu cela. » Il prit les enveloppes qu'il avait serrées dans son portefeuille et les plaça devant lui. L'adresse d'abord, Monsieur Georges Vanier, 17 rue Cujas. Naturellement, quartier des écoles et des vocations en herbe. Sur l'adresse de la lettre soi-disant émanée de ce personnage, le timbre de la poste, rue des Abbesses, à Montmartre. Le personnage met les lettres à la poste bien loin de chez lui. On verra. Il retourna l'enveloppe de Chardin. Hé hé, murmura-t-il, pas de sottises. Je risque peut-être ma vie en ce moment-ci. Enfin, tant pis. Il l'approcha de ses narines et aspira. Ça y est, dit-il, un vieux relent très affaibli de New Moonhay. Je ne suis pas mort, chouette alors. Oh, Justine est en route. Nous avons rudement à trotter aujourd'hui. Heureusement que les taxis ne sont pas faits pour les chiens. Il paya son boc, sortit, sauta en voiture. 17 rue Cujas, ordonna-t-il au cocher. Arrivé dans cette rue qui avoisine la Sorbonne, il dégringola sur le trottoir, entra dans un couloir sombre, tomba sur une grosse femme qui lisait attentivement les cartes postales adressées à ses locataires et, très polie, lui demanda « Monsieur Georges Vanier, s'il vous plaît. » La grosse femme tressaillit de tout son corsage opulent et répondit grincheuse « Nous n'avons pas ça ici. »« Êtes-vous bien sûr, madame ? J'ai dit Monsieur Georges Vanier. Si je suis sûr, je ne suis pas sourde, peut-être, et que je suis depuis 25 ans dans la maison. Puis vous savez, vous pouvez filer. On sait ce que c'est. Que les apaches qui viennent demander dans les maisons de gens que personne ne connaît. Allons, oust, vous n'avez rien à faire ici. Filez, ou j'appelle un sergent de ville. » À cette volubilité rageuse qui prouvait d'ailleurs une parfaite sincérité, Fouinard opposa le sang-froid le plus marmoréen, salua, sortit et remonta dans son carrosse en murmurant. Inconnu, je ne l'avais jamais douté. Cocher, 11 rue de Seine. C'était là que demeurait de son vivant le docteur Bouchard, membre de l'Académie de médecine. Fouinard fut reçu par un jeune médecin que la famille, le docteur étant décédé célibataire, avait chargé de mettre en ordre ses papiers et ses notes. Il fut très bien accueilli et Fouinard recommença son enquête sur la dernière correspondance du médecin. Le jeune docteur lui répondit que la lettre, fermée et affranchie par Bouchard, avait été mise à la poste. Elle pouvait renfermer des consultations urgentes, des renseignements, attendus par ses correspondants. On avait considéré comme un devoir de les envoyer à leur destinataire. Fouinard, un peu désappointé, reprit. Et elles sont toutes arrivées à destination? Toutes. Sauf une, cependant, dont l'adresse était sans doute inexacte, qui est revenue à la poste et qui nous a été retournée. Vous avez cette lettre? Oui, j'ai même recherché la lettre correspondante à laquelle elle répondait. Pouvez-vous me montrer ces deux pièces? Volontiers. Fouinard eut un sursaut. La lettre de demande était de la même écriture, hâtive, petite, que celle qui lui avait été remise par Madame Chardin. Elle était conçue en termes très corrects et demandait au docteur de vouloir bien indiquer où le signataire pourrait se procurer une brochure de lui publiée quelques 20 ans auparavant sur un cas pathologique des plus curieux. Elle était signée Docteur Lallemand, 127, avenue de Neuilly. Dans le coin supérieur, la mention s'y joint un timbre pour la réponse. Le docteur avait répondu qu'à son grand regret, il ne possédait aucun exemplaire de ce travail qu'il avait publié à ses frais et dont tous les exemplaires étaient épuisés, mais que le cher confrère pouvait certainement le consulter à la Bibliothèque nationale. Il se mettait à sa disposition au cas où quelque information supplémentaire lui serait nécessaire. Est-ce que vous avez les enveloppes afférentes à ces deux lettres ? Non, je ne crois pas. J'ai dû les jeter au panier. Pourtant, il se peut que ce panier n'ait pas été vidé depuis 2 ou 3 jours. Vous me permettez de chercher ? Faites donc. Et voici Fouinard plongeant dans la masse de papier, la plupart déchirés et froissés. Mais il fut bien récompensé de sa peine. Il retrouva les 2 enveloppes. L'une, reconnaissable à l'écriture qui était toujours la même et qui portait le timbre de la rue des Abbesses, l'autre portant de la main du docteur l'adresse de l'Allemand avenue de Neuilly. « Avez-vous ici un annuaire des médecins ?» demanda Toto. « Certes, c'est pour ce nom de l'Allemand. Je dois dire qu'il m'est totalement inconnu. Et voyez, dit le jeune homme qui avait feuilleté l'annuaire, il ne figure pas à son ordre alphabétique. » Toto obtint facilement l'autorisation d'emporter ces 2 enveloppes. C'était, avait-il expliqué, pour aider à l'enquête que poursuivait l'autorité sur l'origine de la diffusion aérienne de la thanatidine. L'autre ne fit aucune objection. L'incident lui semblait sans importance. « Soyez assez bon, lui dit encore Fouinard, pour conserver soigneusement les 2 lettres en question. » Il repartit. Chez Masset, l'artiste lyrique, mort lui aussi dans des circonstances tragiques, tout avait été déjà déménagé. Une ancienne amie était son héritière, une cantatrice qui était partie aussitôt pour l'Amérique du Sud où la réclamait un engagement. Des papiers du chanteur, nulle trace. Mais Fouinard était tenace et n'abandonnait pas facilement une piste quand il la trouvait bonne. Et comme chez le docteur Bouchard, il finit par retrouver chez le concierge une enveloppe de la poste, bureau des rebuts, qui contenait une lettre qu'on avait pu distribuer au destinataire. Ici, ce fut plus simple. Une pièce de 100 sous le rendit possesseur de ce nouveau document. Il courut alors au ministère de l'Instruction publique et monta au cabinet. Certes, il n'avait pas l'espoir d'être reçu par le sous-secrétaire d'État, mais puisqu'il s'était passé là un fait anormal, son devoir de fouineur était de s'y rendre quand même. Naturellement, il se heurta à un huissier très raide, très gourmé, qui l'écouta du haut de sa grandeur. Mais Toto n'était pas facile à intimider. Et très posément, il lui conta sa petite affaire, qui était celle-ci. Lors de l'accident de Verre, le sous-secrétaire d'État avait donné à son secrétaire un certain nombre de lettres à mettre sous enveloppe et à faire jeter à la poste. Le sous-secrétaire d'État à la franchise postale. Donc les lettres en question avaient dû être, comme toujours, remises à un huissier pour qu'il apposât sur l'enveloppe le cachet qui leur confie le droit de circuler sans timbre. Or, cher monsieur, pourriez-vous me dire qui, ce jour-là, timbra les lettres ministérielles ? À cela, je vous répondrai, monsieur, répliqua l'huissier avec solennité, que j'aurai le droit de ne point vous répondre. Cependant, comme il ne me paraît pas que la chose tire à conséquence, je vous dirai que c'est moi qui, ce jour-là, comme tous les autres, étais chargé de cette mission de confiance. Alors, monsieur, repartit Toto, vous avez dû remarquer que parmi ces lettres, dont toutes les enveloppes étaient dépourvues de timbres, il y en avait une seule, qui avait été affranchie. L'huissier eut une étrange grimace. C'était vrai. Comment diable ce petit bonhomme savait-il cela ? Monsieur, dit-il, cette fois je m'enferme dans le secret professionnel. Même vis-à-vis de la personne dont voici la carte, fit Fouinard en lui présentant le Bristol sur lequel figurait l'autographe du préfet de police. L'autre qui était à l'état normal de teint cramoisi devint vert. C'est que pour lui tout cela tenait du fantastique. De quelle surveillance était-il donc l'objet pour qu'on sût ce qui s'était passé ? C'est-à-dire que, ne trouvant dans le paquet de la correspondance ministérielle une unique lettre timbrée inutilement, puisque la griffe pouvait lui assurer la franchise, il avait décollé le timbre-poste. Il n'y a pas de petit profit. Fouinard, avec son intuition géniale, avait deviné la vérité. Et l'huissier balbutiait, hachant ses explications, avouant son maigre larcin. Le nom du préfet de police l'avait médusé. Alors Fouinard, qui par un jeu de bascule très naturel était devenu son supérieur, l'interrogeait doucement. « Voyons, cela n'a aucune gravité. Monsieur le préfet de police sera indulgent. Mais soyez franc jusqu'au bout. Cette lettre n'a pas été distribuée et vous est revenue comme rebut par la poste. » « C'est vrai, » fit l'autre en s'effondrant sur son fauteuil de cuir. « Où est cette lettre ?»« Dans un carton, où je l'ai jetée pêle-mêle avec d'autres papiers. »« Trouvez-la-moi tout de suite. » Le pauvre homme n'avait pas un poil de sec. Quoi ? La police s'occupait de cette chose insignifiante. Elle savait tous les détails. Ce pouvait être sa perte, son déshonneur, son renvoi, à la veille de sa retraite. Avec quel empressement l'huissier fourragea dans le carton. Il trouva l'enveloppe et eut un cri de triomphe. Fouinard l'avait prise, et tout de suite il avait constaté sur le coin la trace carrée du timbre-poste qui avait été enlevée. Trace d'autant plus reconnaissable que, détail singulier, elle était teintée d'une couleur bleue très pâle, presque grise. « Vous avez enlevé ce timbre avec une éponge ?» dit Fouinard. « Oui, c'est exact. Tout est exact. Où est ce timbre ?»« Oh, pour ça. Comment monsieur veut-il que je sache ? Je l'ai jeté dans la sébile que j'ai là dans mon tiroir. »« Voyons. » Toto mania une vingtaine de timbres qui s'y trouvaient. « Vous vous en êtes servi, dit-il, pour affranchir sans doute une lettre personnelle ? Vous ne léchez pas les timbres que vous collez. »« Oh, monsieur ne voudrait pas. Je les mouille sur l'éponge. » »« Eh bien, vous pouvez vous vanter d'avoir de la chance. » L'autre ne comprit pas. Et Toto se dispensa de donner une explication. Seulement, il sut si bien intimider l'huissier et le tenir à sa merci que, quand il quitta le ministère, il était nanti de la lettre à laquelle il avait été répondu par le ministre. C'était une simple demande d'audience. Elle était signée de Louis Ruchet, artiste peintre, 39 rue Blanche. Il avait été répondu par la formule ordinaire, indication des jours de réception. Évidemment, ce brave Ruchet ignorait le privilège qu'ont les ministres de correspondre à l'œil, car il l'avait mis dans le coin. 6 juin, un timbre pour la réponse. Et la lettre était de la même main que les autres. Et bien entendu, Ruchet était absolument inconnu, rue Blanche.